voluptueux poison. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. Je craque lamentablement. On peut me demander tout ce qu'on veut, me passer de coiffeur, d'esthéticienne, d'amant, de voiture, de salaire régulier, de vêtements à la mode, de voyage, pour lesquels j'aurais vendu père et mère autrefois. Mais là, sans cigarette, je ne tiens plus, c'est trop dur. Confinée depuis 2 mois dans ce chalet en plein hiver, avec un bébé de 19 lunes et un nourrisson de 60 jours. Malgré, à cause de, grâce à, leur père adorable et omniprésent. Toutes ces nuits sans sommeil, toute cette fatigue accumulée, teintée de baby blues, il me faut quelque chose pour compenser, absolument. Que celui ou celle qui n'a jamais rechuté me jette son premier briquet. Tant pis, au moins j'aurais tenu jusqu'à aujourd'hui. Abandonner après tant d'efforts peut sembler stupide. Mais quand j'ai arrêté, j'étais si motivée par la venue de notre enfant que ça ne m'a pas semblé irréalisable. Oh, bien sûr, il y a eu cette petite rechute 3 jours après que nous ayons pris la grande décision. On lui aura dit au revoir 2 fois notre sale habitude de cigarette. Et alors, même pas peur. Au moins, pendant ces mémorables soirées qui devaient être nos dernières de fumeurs impénitents, on se sera bien amusé à évoquer toutes les cigarettes qui ont compté dans nos vies. Celles qu'il allumait pour sa première femme et qui ont fini par lui donner le vice de continuer pour son propre compte. Celles qui réchauffaient quand on était gelé. Celles qui ont marqué un tournant décisif. Demain, j'arrête de boire. Après-demain, je divorce. Celles de nos réussites, de nos échecs. Les cigarettes honnêtes fumées au grand jour. Et les petites dernières sournoises qui finissaient par s'appeler rechute. Il y a eu la fois où le stress était trop grand, vers le milieu de ma grossesse, devant cette casserole de pâte de coing au bouillonnement vicieux qui larguait des bombes incandescentes sur ma peau nue et grignotait ma patience en même temps que mes nerfs. J'ai réussi quand même à me procurer une unique cigarette en y mettant le prix fort. Par la suite, j'ai tenu le coup à la cadence d'une clope par semaine. Puis Thomas est né le 23 décembre. J'avais si bien travaillé ce matin-là de sa venue au monde que j'ai trouvé légitime d'être récompensée. Une infirmière m'a tendu son paquet. Mais, promis, juré, la nuit du 31, j'arrête. Je vais y arriver. Et de fait, j'ai parfaitement réussi. Jusqu'à maintenant, 2 mois plus tard. J'enfile mes bottes, mets ma parka, hurle un tonitruant « Je reviens tout de suite !» Et plantant là tout mon petit monde avant qu'il ait eu le temps de réagir, je monte en courant la côte qui mène à la route cantonale en direction de l'épicerie. Je suis un volcan en éruption, une marmite sous pression, un maelstrom de contradictions. J'enrage de mon impuissance, de ma triste condition d'humaine fragile et sans volonté. Pendant le court trajet, je me souviens des innombrables échecs qui semblent cautionner ma rechute d'aujourd'hui. Ces circonstances où j'aurais pu craquer, mais où je ne l'ai pas fait. Je me déçois profondément, culpabilise 2 fois plus. En même temps, ma position est catégorique. Je réussis à me persuader que tous les efforts exigés de moi par les vicissitudes de ma vie actuelle méritent compensation. Qu'il est inhumain de me demander d'abandonner le secours de la nicotine et de me laisser dans un tel état de frustration. Puis finalement, j'ai déjà réussi à arrêter plusieurs fois, non? Il n'y a donc aucune raison pour que je n'y arrive pas un jour. Quand les bébés seront plus grands, quand je serai mieux reposée, quand nous serons moins fauchés, quand j'aurai moins de soucis et moins d'angoisse, et patati, et patata. Allez, plus que quelques mètres pour arriver à l'épicerie buvette tabac. 3e élément avec la laiterie et l'église qui donne ici une impression de vrai village et non d'agglomération dortoir. C'est cool qu'il soit ouvert 7 jours sur 7. Je n'aurai jamais la force de marcher 5 km de plus jusqu'au prochain magasin, même pour une cigarette. Je pense malgré tout que nous avons bien fait de venir nous installer ici, au bon air, dans ce petit bourg des Préalpes, à 1400 mètres d'altitude, loin des tentations de la ville. Notre santé a tout à y gagner et on y apprend vite le sens de l'essentiel. Et du moment que l'essentiel inclut mes cigarettes, cela me convient parfaitement. D'avance, je savoure ma première bouffée après ces semaines d'abstinence. ma main sur la poignée qui tourne dans le vide, mes yeux se posent soudain sur un panneau que tout à mes pensées je n'avais pas remarqué. Fermeture exceptionnelle. Entre parenthèses, docteur. Signé Max.